Chamboulés, rôles et casseroles. Retour collectif sur une grève de femmes sans terre en Amazonie. C'est un texte de, enfin, un article de Nathalie Klaus qui est paru sur Jeff Clack. Ça s'écrit jefklak.org pour le site. Dans l'état du Rodonia, au Brésil, des paysannes et paysans sans terre occupent de grandes propriétés contre la confiscation des richesses foncières par une poignée de fortunés. Entre le travail agricole, le quotidien de la lutte et l'état policier répressif, ils et elles passent sans cesse d'une urgence à l'autre. C'est pourtant en plein milieu d'une occupation qu'un groupe de femmes lance un pavé dans la mare et dépose en 1995 un préavis de grève illimitée du travail domestique. Rompant pendant plus de 6 mois avec les rythmes collectifs, elles prennent le temps de penser leur situation, leurs problèmes et leurs besoins spécifiques et bouleversent durablement la vie de leur communauté. À l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Jeff Clack publie ici cet article initialement publié dans le 6e numéro de sa revue papier, Pied à terre, qui est encore disponible en librairie. J'ajouterai que en mai sortira le dernier numéro papier de la revue Jeff Clack, qui continuera sa route uniquement sous le format numérique par la suite. Alors, en exergue, il y a un extrait du collectif L'Insoumise, le foyer de l'insurrection, paru en 1977, et qui dit « Continuer de propager l'image de la femme travailleuse opposée à celle de la ménagère, c'est continuer de propager une des plus graves erreurs du mouvement ouvrier, celle de ne pas avoir impliqué toute la famille dans la lutte. Renoncer à prendre un rôle dirigeant dans le mouvement révolutionnaire en tant que femme, c'est accepter la défaite, la mort et la soumission comme destin collectif des femmes. » Et ainsi commence l'article. Quand avez-vous acquis le petit van qui fait ambulance ? Les jeunes femmes qui me font visiter les lieux rigolent. Personne ne répond. Et dans cette salle, c'est marrant, il y a un schéma d'utérus. Il est là depuis longtemps ? Des rires éclatent. Je n'avais jamais vu de choses pareilles. C'est plus souvent un portrait du Tché qui trône dans les espaces communs des militants et militantes rurales en Amazonie. Je pose d'autres questions sur le fonctionnement du lieu. Quand on parle de champs, permaculture ou paysannerie, les réponses fusent, prolifiques. Si on parle organisation quotidienne, ménage, enfants ou santé, c'est une autre histoire. L'évocation des tâches habituellement assignées aux femmes provoque de petits ou grands rires, tantôt gênés, tantôt espiègles, qui rompent la conversation. Je perçois les contours d'un secret de femme. Une paysanne, la vingtaine, interpelle Juana, sa mère. Raconte-lui, maman, raconte-lui la grève des femmes. Les yeux noirs de Juana coupent court sa fille, et sa fille m'explique. Elle n'aime pas en parler, et nous, les enfants, nous ne souvenons pas comment tout s'est déroulé dans le détail. Insiste un peu, elles finiront par lâcher le morceau. Je n'étais pas la première à vouloir en savoir plus sur cet épisode et à recevoir un non ferme pour la première réponse. Certaines femmes ne voyaient simplement pas l'intérêt d'y revenir, d'autres redoutaient l'effet que le récit pourrait avoir sur leur couple. Mais cette fois-ci, le terrain avait été préparé. Les enfants, maintenant jeunes adultes, voulaient également connaître ce chapitre de leur histoire collective. C'est grâce à la médiation de celles qui voulaient se saisir de cette rencontre pour mieux penser ce moment, l'inclure dans leur histoire, que j'ai pu vivre cet échange. Mon désir de savoir faisant office de prétexte. Alors, un après-midi, nous nous sommes réunis en non-mixité, après au moins une heure de négociation avec les jeunes hommes désireux, autant que leurs sœurs et conjointes, d'en apprendre un peu plus sur cette affaire. Les hommes un peu plus âgés, eux, n'en voulaient rien entendre. Pour qu'on raconte cette histoire, il ne suffit pas de réunir toutes les concernées. Il faut qu'on soit entre femmes. J'ai rencontré les habitants et les habitantes d'Assentamiento Asunción en avril 2018. Je menais une enquête sur la colonisation récente de cette région d'Amazonie brésilienne. Mon intérêt premier était de comprendre les effets des politiques de peuplement conduites par la dictature sur les subjectivités des colons installés sur cette zone forestière, supposément vide. Il s'agit pour moi d'une histoire intime, d'une affaire familiale. Il m'est progressivement apparu que, dans la constitution de l'État du Rondônia, les conflits paysans étaient tout aussi structurants que la progression coloniale officielle. Ces luttes ont dessiné les campagnes amazoniennes tout en transformant le droit et l'histoire de la région. C'est un ami et avocat, membre d'un collectif de défense populaire proche des mouvements paysans, qui m'a présenté à José, militant du mouvement des travailleurs sans terre, le MST. Ce dernier m'a guidé pendant quelques semaines dans de nombreuses terres conquises grâce aux différentes luttes paysannes rondoniennes. Rondonienses. Parmi les campements et assentamentos visités, ce groupe a ceci de particulier qu'il est le seul à collectiviser entièrement non seulement les terres et moyens de production, ce qui n'est pas si rare, mais aussi le travail domestique et la garde des enfants. Le seul, aussi, à se réclamer clairement d'un processus autogestionnaire et à adjoindre le mot « collectif » à son nom. Lors de notre première rencontre, j'avais une vision étroite et sans doute naïve de ce que plus de 16 ans de lutte et de vie dans un campement au Rondônia représentait pour ces paysans et paysannes. Qu'est-ce qui avait bien pu conduire les femmes du collectif à mener, en pleine occupation, une grève contre leurs compagnons de vie et de lutte? Quelle en avait été l'étincelle? Quelles avaient été les revendications, les contradictions et les méthodes de cette lutte dans la lutte? 1995, l'année de toutes les violences. L'Assentamento Asunción appartenait à la grande ferme de São João, un latifundium de 1021 hectares. En fait, il y a plein de mots comme ça qui sont pas forcément super compréhensibles, mais qui renvoient à des notes de bas de page que je vais un peu galérer à lire. Donc, je vous renvoie sur le site de Jeff Clack pour avoir les détails de tous ces mots et de tous ces renvois. Ça sera plus simple, je pense. Et puis, c'est chouette de faire une visite sur le site de Jeff Clack. Je reprends donc la lecture. L'occupation de São João. C'est en brésilien. Depuis le début, je dis des bêtises. Donc, de l'occupation de São João, organisée par le MST en 1992, a impliqué 180 familles paysannes. Et s'est déroulée alors que le mouvement étudiant des Caras Pintadas, pour la destitution de Fernando Collor de Mello, battait son plein. À en croire les paysans et paysannes, cela explique la relative indifférence de la part des forces de l'ordre au moment de l'installation. Les flics étaient trop occupés à casser les étudiants. La répression ne manquera pas de rattraper son retard dès l'année suivante, avec plusieurs expulsions violentes. C'est seulement en 1995 que l'Institut national de colonisation et réforme agraire, INCRA, tranche en faveur des 44 familles ayant résisté aux différentes tentatives d'expulsion, annonçant l'expropriation et la distribution des terres aux occupants et occupantes de Sanjiao, et qu'elle était en effet un parfait exemple de propriété tombant sous le coup de la loi pour la réforme agraire, qui stipule que les propriétés de plus de 1000 hectares de terres improductives et ne faisant pas partie d'un programme de protection environnementale sont prioritaires pour la redistribution lors des conflits. La surprise est immense quand le propriétaire terrien annonce in extremis son divorce. Divisée en deux lors du partage des biens du couple, la ferme échappe à cette loi. Le propriétaire accepte toutefois de vendre à l'État fédéral les 498 hectares qui lui reviennent. Il sait alors que les militants et militantes ne quitteront pas ces terres, et surtout qu'elles seront rachetées au prix du marché. Cette portion de la ferme devient l'Assentamento Miranda. C'est une victoire en demi-teinte pour le mouvement. Les militants et militantes auraient voulu éviter une sortie de conflit par l'achat étatique des terres, lui préférant une expropriation pure et simple. En effet, malgré le gain de ces terres en particulier, cette politique marchande opérée par l'INCRA ne fait pas avancer globalement la lutte pour la réforme agraire et favorise toujours la concentration des richesses dans les mains des grands propriétaires au lieu d'une véritable redistribution des biens, sans contrepartie pour les propriétaires. Quant à l'autre moitié des terres, elle n'est pas mise en vente par l'ex-épouse du propriétaire, et les 21 familles paysannes qui s'y trouvent n'ont d'autre choix que de poursuivre leur occupation irrégulière de ces 523 hectares qui deviendront l'Assentamento Asunción lors de leur régularisation en 2009. En 1995, la tension autour des conflits ruraux est à son comble au Rondônia. Après quelques victoires paysannes, la violence des expulsions monte de plusieurs crans. En juillet, 600 familles occupent une immense ferme de 18 000 hectares à la Santa Elena à Corumbiara. Dans la nuit du 9 août, en pleine négociation entre l'INCRA et les occupants et occupantes, la police et les hommes de main de la ferme se livrent à une battue meurtrière avec l'accord du gouverneur de l'État. Plus de 400 personnes sont torturées. Le bilan officiel des morts sur le champ compte 10 paysans et paysannes sans terre, un enfant et deux policiers militaires. 23 paysans et paysannes meurent des suites de leurs blessures. Et selon les militants et militantes, plus de 80 personnes sont portées disparues cette nuit-là. Au campement Asunción, le massacre provoque une vague de terreur. Parmi les morts et mortes et disparus, plusieurs camarades de lutte. Johanna raconte. Nous avons fait une assemblée générale dès la fin août. Est-ce qu'il fallait continuer l'occupation? Un leader du MST était venu répondre à nos questions. Le mouvement n'avait pas soutenu l'occupation de la Santa Elena parce que les conditions n'étaient pas favorables. On nous disait de tenir bon. Le précédent de Miranda jouait en notre faveur. Quand, un mois après le massacre de Corumbiara, Anna, anthropologue basée à São Paulo, entame des démarches auprès du MST pour faire une enquête de terrain dans les campements au Rondônia, l'atmosphère à Asunción est effroyable. Comme le raconte Maria, le deuil avait tout envahi et tout le monde craignait l'expulsion. José explicite la position du MST face à ce type de demande. Quand un ou une chercheur-chercheuse veut enquêter sur les paysans et paysannes ou les membres des mouvements paysans, il ne suffit pas de nous rendre visite parce qu'il ou elle travaille ou trouve le militantisme paysan génial. Il faut penser aussi à des formes de rétribution pour que le savoir circule dans les deux sens. Il ne faut pas que ce soit juste un moyen d'apprendre sur nous, mais de partager des choses avec nous. C'est ainsi que des membres du bureau du MST, au Rondônia, proposent à Anna de faire des ateliers de discussion féministe en non-mixité dans des lieux qu'elle visitera, en vue de la préparation d'une rencontre nationale des femmes militantes du MST en mai 1996 à São Paulo. Les femmes vivent l'arrivée de cette parfaite inconnue avec ambivalence. Si certaines ressentent une forme de curiosité, d'autres se méfient du regard surplombant que peut avoir une « fille de la ville », puis elles craignent qu'elle leur propose un féminisme très éloigné de leurs préoccupations. Surtout, précise Roberta, nous avions toutes peur que ça ne ramène du conflit et peu de solutions. Elle participe néanmoins aux discussions non mixtes organisées par Anna. Les craintes de certaines femmes rejoignent la mise en garde du MST. Selon José, c'est important que les chercheurs et chercheuses s'interrogent sur le rôle joué par la recherche. C'est une épée à double tranchant. D'un côté, elle aide à remuer des sujets parfois peu abordés par les militants et militantes, dépassés par les urgences. Quand une anthropologue pose des questions sur certaines expériences, c'est une bonne occasion pour nous de revenir sur elles, avec le cadre posé par un regard extérieur et d'en faire un récit soigné et collectif qui nous permet d'avancer. D'un autre côté, ce type de réflexion n'est pas toujours tendre pour le groupe lui-même. Il faut avoir une forme d'engagement vis-à-vis de ses membres pour se rendre compte que titiller pour obtenir des informations comporte des conséquences. Si on n'a pas ça en tête, ces enquêtes ne font que jeter de l'huile sur le feu. Les chercheurs et chercheuses s'en vont et nous laissent les cendres. Par ricochet, cette mise en garde résonne en moi par rapport à mon travail sur la grève des femmes d'Asunción. Allumer la mèche. Au moment de sa régularisation, le campement Miranda, devenu Asentamiento, choisit d'organiser sa parcelle en burro cuadrado, c'est-à-dire avec des espaces communs placés au plus près de la route et des lots individuels rectangulaires. Certains et certaines paysans et paysannes se retrouvent ainsi éloignés du centre communautaire où sont installés plusieurs services, une petite école rurale, une poste improvisée, etc. Les membres du campement Asunción y voient une grande erreur et parlementent longuement sur la meilleure façon de disposer leur lot. Ces discussions avaient toujours lieu le soir, après la journée de travail. Les hommes se mettaient dans le baraquement collectif, tandis que chaque femme était dans sa cuisine en train de préparer le dîner. Il y avait du ressentiment de notre part, et en même temps, nous leur faisions confiance. Ils allaient décider pour le mieux, mais sans nous. Un des paysans du campement arrive un soir dans le baraquement avec un projet d'agro-village en rayon de soleil, avec des lots disposés en demi-cercle autour du centre communautaire. Les maisons pourraient ainsi être toutes connectées au centre, sans qu'aucune famille ne soit isolée. Les hommes cherchent l'avis d'un topographe qui confirme la viabilité de cette disposition. Les femmes n'apprennent ce projet que 3 jours plus tard, directement, en assemblée générale. Maria. Ils ont pensé que ce n'était pas important de nous présenter le projet avant, que ça nous plairait forcément d'avoir des maisons à côté les unes des autres pour papoter dans la journée. Johanna. Ils n'avaient pas forcément tort. Cléa. Mais ils auraient dû nous en parler. Johanna. Ils l'ont fait, en assemblée, ça va. Cléa. Une assemblée fantoche, qui n'était pas décisionnaire. Ça servait à quoi de nous montrer le projet fini? Cet épisode apparaît comme un déclencheur, non pas de la grève, mais des désaccords dans la conversation. Johanna, qui s'exprimera souvent contre la grève, mais au même niveau le manque de communication concernant les décisions prises collectivement par les hommes et les réunions féministes en non-mixité. Nous aussi, on faisait nos petites réunions féministes avec Anna l'après-midi, pendant qu'il travaillait. Quelque part, c'est une forme de reconnaissance a posteriori de ce que ces réunions ont apporté au campement. Elles ont fini par le transformer tout autant que les projets portés par les hommes. Mais la mise en place de ces réunions non mixtes, à l'initiative de Anna, n'a pas été vécue de façon homogène par toutes les femmes. Johanna. Elle est arrivée avec un tas de livres, des trucs traduits, du français et de l'anglais. On était 11 à participer au groupe. Mais il y en avait 4 à tout casser qui savaient lire une ordonnance. Et seulement Maria et Gisèle qui pouvaient lire une page entière. Et puis, elle croyait qu'on ne savait pas ce que c'était que le féminisme. Roberta. Ce n'est pas complètement faux. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que tous les hommes savaient lire. Et on ne parlait jamais de ça avant son arrivée. Maria. On ne peut pas en vouloir aux hommes pour ça. Roberta. Ce n'est pas la question. Le MST leur avait payé des formations. Qui parmi nous avait déjà eu le droit à une formation? Cléa. Personne. Voilà ce qu'Anna a fait. Une formation. C'était une correction en accéléré d'un tort structurel du mouvement. En apprenant le taux d'illettrisme des femmes du campement, Anna, avec qui je me suis aussi entretenue, réalise que son programme de discussion féministe est inadapté. Elle avait déjà travaillé avec un groupe militant contre les violences policières dans une favela à Sao Paulo, précisément dans un atelier d'alphabétisation destiné aux familles des victimes. Elle y employait une méthode fondée sur l'échange des connaissances préalables entre participants et participantes et la lecture collective de textes que le groupe choisissait, liés à leur lutte commune. Elle propose donc aux femmes de recevoir le contenu des ateliers selon cette même approche. De revoir et non pas recevoir le contenu de ces ateliers selon cette même approche. Apprendre à lire grâce à des textes qui les concernent avec une seule contrainte. Il faut que ça parle des femmes. Cléa savait lire les mots mais pas les phrases. Plusieurs fois, elle avait souhaité participer aux réunions de négociation avec l'INCRA et la réponse avait toujours été la même. Mieux vaut quelqu'un qui sait lire. Elle raconte. J'ai demandé plusieurs fois à mon mari de m'apprendre. On n'avait jamais le temps. Il ne faut pas croire que c'était de fausses excuses. Avec le travail au champ, les négociations, les manifestations, on n'avait vraiment pas le temps. Alors j'ai dit à Anna, je veux apprendre à lire un contrat. Jusqu'à ce moment-là, personne n'adhérait trop à cette histoire de féminisme dans les livres. Mais quand les camarades ont compris qu'Anna était d'accord pour les contrats, ça a suffi pour allumer la mèche. Au champ comme à l'usine, tout est allé très vite après. On a commencé par les contrats. Au bout de 2 semaines, presque toutes pouvaient lire ce type de document. Lentement, pas très bien, mais déjà, tout le monde avait appris à lire des mots. Puis, on a demandé à Anna une affiche avec un utérus, parce que c'est celle que tu as vue l'autre jour. L'année précédente, Gisèle avait fait une fausse couche. À l'hôpital, on lui avait fait très mal parce que on avait cru qu'elle s'était fait avorter exprès. Et Gisèle hésite avant de commenter. Je n'arrivais à en parler à personne, même pas aux copines, et mon mari s'en moquait un peu. Il y en aura d'autres, chérie. Mais je ne suis pas une vache. J'étais triste, et j'avais mal au ventre, et sans comprendre pourquoi. Elle suggère au groupe un atelier sur les corps des femmes. Anna propose de faire venir une connaissance, sage-femme, dans une ville voisine. Le premier jour de l'atelier avec cette sage-femme a été entièrement consacré à la description, par chacune, de sa journée de travail, raconte Maria. Chaque femme préparait le déjeuner et l'apportait à son mari dans les champs. Avec l'organisation en rayon de soleil, le trajet s'est considérablement allongé car les lots étaient plus longs. Celles qui avaient des enfants en bas âge étaient obligées de les porter sur le dos. En outre, depuis 3 assemblées générales, les questions concernant les courses en ville, la garde des enfants, l'école des vaccins avaient systématiquement été placées en fin d'ordre du jour. alors que le groupe n'en arrivait jamais au bout. Ils ne le faisaient pas exprès, les pauvres. Il n'empêche que notre vie était très pénible. Johanna rigole en le disant. Mais Maria apporte tout de suite une nuance. Ils ne le faisaient pas exprès de rendre notre vie pénible, mais ils faisaient exprès de s'en foutre. Une fois nos journées racontées à de tierces personnes, nous avons pris la mesure de certaines injustices, mais surtout d'une mauvaise organisation qu'on n'avait jamais le temps d'aborder collectivement. Tous les débats se concentraient sur la lutte contre la propriétaire de la ferme et sur l'agriculture paysanne contre l'agro-industrie, le grand capital et la mondialisation. C'est là, en décembre 1995, qu'on a décidé de poser un préavis de grève illimité. Préavis de grève. Ces mots font éclater de rire toutes les femmes. Maria a travaillé dans une usine dans le sud du Brésil avant de migrer au Rondônia. C'est elle qui a l'idée de faire les choses en bonne et due forme. Il a fallu convoquer une assemblée extraordinaire. Maria. Les mecs sont tombés des nues. Grève ? Mais grève de quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites de plus difficile que nous ? Nous ne sommes pas vos patrons. Et ce n'était pas vraiment la question. Ils ne comprenaient pas qu'on veuille interroger le rôle si essentiel de chacun. Dès qu'on donnait un exemple, ils trouvaient une petite solution ad hoc pour éviter la grève. Après 3 heures de discussion, ils se sont résignés. Il ne suffisait plus de chercher ces petites solutions que nous attendions depuis longtemps. Nous étions en colère et voulions tout renverser. Roberta, ne t'emballe pas, Maria. Il ne s'agissait justement pas de tout renverser. Nous voulions avoir voix au chapitre et que les problèmes qui nous concernaient soient traités avec autant de sérieux que les autres. Maria. Oui, enfin, nous souhaitions aussi que les problèmes qui nous concernaient cessent d'être des préoccupations exclusivement féminines. Elles ne se sont jamais accordées là-dessus au cours de notre conversation. Ces deux positions retraçaient les contours de conflits survenus pendant la grève. Si certaines y ont perçu l'occasion de renverser des positions patriarcales qui empoisonnaient leurs relations, quelques femmes, moins nombreuses mais assez influentes grâce à leur ancienneté dans le militantisme paysan, voulaient plutôt y voir une tentative d'aménager leur quotidien pour qu'il soit plus vivable, sans tout de suite sortir les grands mots comme « patriarcat ». Parmi les 11 femmes qui participent à la grève, 3 ne se sentent pas à l'aise avec la stratégie gréviste. Johanna explique sa position discordante. Ils avaient raison, les hommes. Les rapports entre nous n'étaient pas du patronat. Cléa lui coupe la parole. D'accord, c'est du patriarcat. Et alors ? La réponse nous plonge dans un silence songeur. La grève, c'est un outil des luttes des classes. Ils étaient nos compagnons. On ne fait pas la grève contre ceux qu'on aime, contre nos amis, nos camarades. C'est inadapté. Elles adhèrent tout de même au projet, selon leurs mots, par manque d'imagination. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut du changement. Les bornes du féminisme. L'intime et le domestique. L'intime et le domestique. Avec un petit extrait de Silvia Federici du Salaire contre le travail ménager qui est sorti en 1975. Ils disent que c'est de l'amour, nous disons que c'est du travail non payé. Ils l'appellent frigidité, nous l'appelons absentéisme. Chaque fausse couche est un accident de travail. Bim. Au départ, les femmes arrêtent seulement les activités de production, c'est-à-dire le maraîchage et la fabrication de farine de manioc. Maria sourit en se rappelant de la première assemblée au début de la grève. J'ai été désignée comme déléguée des femmes. C'était un peu ridicule, car d'habitude, nous parlions toutes et tous ensemble, sans délégation. Mais certaines étaient impressionnés par le fait d'être en conflit à l'intérieur du campement. On avait toutes mal au ventre avant l'AG. Le mari de Johanna m'a demandé « Alors, quelles sont vos revendications ? Comment peut-on négocier une sortie de conflit ?» Et nous avons pâli. En fait, nous n'avions que des mécontentements, mais pas encore de vraies positions, des solutions. Nous étions tellement épuisés, le temps et le calme nous manquaient pour réfléchir. Nous avons demandé un report de cette première assemblée. Anna est encore au campement quand les femmes commencent la grève. Elle part 2 semaines après. Mais, selon leur récit, l'anthropologue n'accepte pas l'invitation aux assemblées et ne donne pas son avis sur la question. Elle savait bien mieux que moi ce dont elles étaient capables, ce qu'il fallait faire pour que les choses changent. Je n'avais rien à faire là-dedans. Certaines femmes vivent ce refus comme un abandon. Toutefois, Anna continue à encadrer les réunions féministes de l'après-midi et propose la lecture d'un texte de Maria Rosa Dalla Costa et Selma James sur le travail domestique et la prolétarisation des femmes. Dans les années 90, lors des rencontres du MST, quand on parlait de féminisme et de genre, c'était tout de suite pour dénoncer soit les violences conjugales, soit le manque de représentation des femmes aux positions de pouvoir, y compris dans les sphères décisionnaires des mouvements. Dès lors, quand les hommes ne battaient pas leurs femmes et n'étaient pas en haut de la pyramide sociale, ils ne pensaient pas participer à un système d'oppression. Quand Anna est arrivée avec un discours féministe un peu différent, parlant de nos vies quotidiennes, de nos sentiments, on a crevé l'abcès. La popote et les gosses, c'est politique. Alors au boulot, il faut transformer le groupe. Elle décide donc d'arrêter le travail domestique. J'ai même arrêté les rapports sexuels avec mon mari pendant les 4 premiers mois de grève, raconte Maria. Gisèle aussi. Puisqu'on décidait de tout politiser, je me suis dit que ça aussi c'était du travail. Surtout que, parce qu'à ce moment-là, avec mon mari, on voulait faire un enfant. Et dans l'atelier, sur les corps, nous nous sommes rendus compte que nous étions nombreuses à ne pas ressentir de plaisir. Alors pourquoi on couchait ? Ou mieux, pour qui ? Plus de cuisine, de ménage, de lessive. La seule chose qu'elle continue à assurer en partie, c'est la garde des enfants pendant 2 ou 3 heures par jour. Il nous fallait du temps, et beaucoup. Pour mettre les choses à plat, il fallait qu'on s'interroge sur nos désirs et nos besoins. Surtout, il fallait qu'on trouve du temps, de façon pérenne, pour s'impliquer autrement dans le mouvement. Dans un campement, tout le monde est dans la réaction, la peur, l'épuisement, c'est normal. Mais nous n'avions pas accès aux informations et aux prises de décision, au choix du groupe, ce qui nous rendait encore plus vulnérables et frustrés. Parfois, on en oubliait le sens de la lutte. Les premières revendications formulées sont la construction d'une cuisine collective et d'un baraquement réservé aux femmes, en plus de l'achat d'un véhicule dédié aux courses en ville et le financement de permis de conduire pour 3 femmes. Les suivantes seront la construction d'une petite école, l'ouverture des négociations pour obtenir une institutrice ou un instituteur et assez d'électricité pour un peu d'éclairage dans les parties communes du campement. Dans un premier temps, les hommes ne faisaient à manger que pour leurs pommes et pour les enfants. C'était ridicule. Ils ne mangeaient pas avec nous, ça faisait monter la rancœur des deux côtés. Et les femmes se relaient pour préparer des repas rapides et rarement chauds pendant 3 semaines. C'est alors que les hommes réalisent qu'il est en effet plus pratique de collectiviser la cuisine. Ils improvisent une grande tente et mettent en place un système de rotation jusqu'à la fin de la grève. Le groupe fait une petite fête d'union des casseroles pendant laquelle tous les foyers mettent leurs ustensiles de cuisine en commun. Quand ils se sont mis à faire la popote ensemble, par tour de 2 ou 3, ils ont commencé à nous proposer des repas. Cette première petite victoire procure un immense enthousiasme, y compris chez les hommes. Maria se rappelle des mots de son mari sonnant comme un aveu. C'est vrai qu'on a dû revoir comment s'y prendre pour libérer du temps, et sans vous, il a fallu s'organiser autrement. Mais on n'aurait pas bougé d'un iota si vous ne nous aviez pas bousculé aussi fort. » Elle poursuit. Le soir, en cachette, certains nous demandaient des astuces pour réussir des plats. Début 1996, après 2 mois de grève, le campement reçoit des donations de matériaux de construction. Une assemblée est convoquée pour en décider l'usage. Oh, que c'était tendu! Les hommes voulaient faire des trucs pour améliorer la production et nous, et on ne démordait pas du baraquement pour les femmes, de l'école et d'une cuisine collective plus pratique. Ils avaient déjà fait une espèce de tente, mais pas du tout commode. Ils nous disaient qu'ils nous laisseraient le baraquement collectif pour nos trucs de femmes. Mais nous voulions poser nos affaires à nous, sans devoir accueillir les âgés, les repas collectifs et les délégations militantes. Puis pour l'école, il fallait attendre le début des négociations pour avoir un ou une instit. Mais nous savions très bien que sans un vrai espace pour accueillir les enfants, jamais nous n'obtiendrions ne serait-ce qu'un rendez-vous pour avoir quelqu'un ou quelqu'une, ni par le mouvement, ni par le ministère de l'Éducation. Les hommes acceptent de destiner la plus grande partie des matériaux à la construction d'une petite école et de la cuisine collective, mais refusent dans un premier temps de participer au chantier. L'un d'entre eux dessine les structures et aide les femmes à les bâtir. Seulement, les chantiers n'avancent pas très vite et la grève s'installe. Là, ils ont eu peur que nous ne reprenions jamais le dialogue sur qui fait quoi. Nous apprenions des trucs sur la construction, entre autres, et c'était passionnant. Moi-même, j'ai douté qu'un jour j'aurais à nouveau envie de réchauffer mon bide près d'une cuisinière pour le refroidir au baquet. Les hommes décident alors de participer au chantier. Roberta et Gisèle se souviennent de ces moments comme de pas vers la fin de la grève. Pendant qu'on bâtissait ensemble, ils se rendaient compte du chemin parcouru et je pense que nous étions en train de faire, nous les femmes. Pendant qu'on bâtissait ensemble, ils se rendaient compte du chemin parcouru, je pense, que ce que nous étions en train de faire, nous les femmes, commençait à faire sens à leurs yeux. Le plus curieux, c'est qu'en préparant les repas, ils demandaient aux enfants de les aider, filles et garçons. Des plus jeunes aux plus âgés, chacun chacune devait aider comme il ou elle pouvait. Lors d'une de nos réunions de l'après-midi, que nous avions continué même sans Anna, nous nous sommes dit « Nos enfants n'auront pas tout ce chemin à faire. » C'était beau. À peine 2 semaines après la construction du baraquement, pour la petite école, une éducatrice rurale rejoint le campement et crée la première classe multiniveau pour 12 enfants des paysans et paysannes. Un conflit important éclate pendant la grève. Il concerne un groupe de parole et de formation au vocabulaire médical. Les femmes du campement demandent à la sage-femme, qu'elles ont rencontrée par le biais d'Anna, de faire venir une infirmière pour les aider à mieux parler aux médecins et aux soignants et soignantes et connaître leurs droits pour les faire respecter dans les hôpitaux. Les hommes aussi veulent participer aux réunions. Ce problème n'est pas exclusivement féminin, outre le fait que ce soit le plus souvent des personnes racisées et pauvres, avec un niveau d'études peu élevé et un parler typique des zones rurales souvent disqualifiées. Les mouvements pour la réforme agraire sont durement réprimés, ce qui contribue à ce que tout le corps social pose sur ces paysans et paysannes un regard criminalisant et méprisant. C'est un sujet fréquemment évoqué lors des entretiens que j'ai réalisés, le racisme et les discriminations lors des visites médicales ou des soins d'urgence sont une des raisons pour lesquelles ils et elles réfléchissent à 2 fois avant de chercher de l'aide médicale, même quand les conditions financières et géographiques le permettent. Alors, une ligne de fracture s'opère entre celles qui veulent accueillir leurs conjoints dans les réunions et celles qui estiment avoir besoin d'un espace non mixte pour parler de leur santé. Ensemble, le groupe décide de faire 5 séances consacrées à la santé des femmes et 2 séances à celle des hommes. Enfin, les femmes imposent 3 séances mixtes concernant la santé des enfants. Dans un premier temps, les mecs ont dit « Celle-là, si vous voulez, vous pouvez en faire entre femmes. » Et le pire, c'est que ce n'était pas une blague. Ils ne voyaient même pas en quoi ça posait un problème. Alors on a dit « C'est soit ça sera tout en fait en non-mixité. » Comme ils avaient aussi leur petite question à poser à l'intervenante, la négociation a fonctionné. La grève à l'épreuve des barricades. Un jour, on a appris qu'une expulsion était prévue le lendemain. Il allait falloir faire bouclier contre l'entrée des flics. Nous avons pris du temps pour décider si les femmes participeraient ou pas à la construction et à la tenue des barricades. Nous étions presque toutes d'accord pour dire que ce type d'activité ne concernait pas la grève, que nous devions prêter main forte. Mais certaines voulaient montrer aux hommes qu'on était indispensable, en les abandonnant. C'était vraiment bête, mais nous avions peur de nous diviser à cet endroit-là. Il fallait une solution qui convienne à toutes. Roberta avait participé à une journée de formation dédiée aux stratégies contre l'expulsion, avec plusieurs militants et militantes d'autres campements. Selon les camarades, à ce moment-là, apporter des preuves d'une installation pérenne, pacifique et productive marchait pas mal auprès des flics. Ils faisaient profil bas, sous les ordres du gouverneur, à cause du massacre de 1995. Et la présence d'enfants les freinait beaucoup. Car la mort d'une enfant à Corumbiara avait fait scandale. Roberta échafaude un plan et convainc les hommes d'abandonner les barricades. Elle enjambe son vélo, pédale jusqu'au campement voisin, puis d'autres hameaux, et revient avec une trentaine d'enfants, des camarades, dans tous les environs. Une pédalée d'enfer à une vingtaine de vélos. Toutes et tous se pose dans la salle de classe et l'éducatrice fait cours comme d'habitude. Quand la police arrive, les paysans et paysannes mettent en avant leurs installations, font visiter l'école, montrent la farine de manioc, ça marche. De cette manière, elle évite l'expulsion à 4 reprises. À la 5e, fin mai 96, échec. Toutes les paysannes et tous les paysans et les enfants sont expulsés et le camp est en partie détruit. Les femmes ne l'expliquent pas, mais les policiers n'ont pas détruit les espaces collectifs. Selon les femmes, l'amertume saisit leurs compagnons. Ils nous en voulaient d'avoir insisté sur cette stratégie. Ils disaient « Avec les bidasses, il n'y a que les barricades qui fonctionnent ». À vrai dire, nous sentions le vent tourner. À chaque fois, les autorités envoyaient plus de monde. Nous savions bien que notre petite école et notre farine n'allaient pas les contenir longtemps. Mais nous avions peur. Peur d'un massacre, tout simplement. Une fois, un homme de main de la proprio a crucifié une de nos chèvres, juste à l'entrée du campement. On a su que c'était lui parce qu'une voisine l'a vu. Et les hommes ne juraient que par des tactiques un peu guerrières. Ils sont pleins de leur « Hasta la victoria siempre !» et ils s'en fichent si on a peur. Pour nous et pour les mômes. Les paysans et paysannes campent alors en ville, devant la mairie, et l'éducatrice poursuit les cours sous une tente. La grève n'a plus lieu d'être. Dans la ville, on était un peu comme des bêtes en cage. Quand on ne courait pas d'un rendez-vous à l'autre, souvent, hommes et femmes ensemble, c'était l'ennui total. Les hommes ne se posaient pas trop de questions et se mettaient à la cuisine avec nous. En juillet 1996, au bout de 40 jours d'occupation de la place de la mairie, l'INCRA propose d'autres terres au MST, qui fait mine de les accepter contre le gré des paysans et paysannes afin d'obtenir l'évacuation des policiers qui surveillent la ferme. Pendant la nuit, suivant la négociation, alors que les forces de l'ordre ont quitté la ferme, des membres du mouvement viennent chercher les paysans et paysannes dans le campement en centre-ville. Ils et elles installent à nouveau des baraquements d'Ascension. Le maire, qui finit son mandat et regarde cette lutte d'un œil plutôt bienveillant, profite de son départ pour détacher une enseignante municipale pour la petite école du campement. La lutte durera encore 13 années, au cours desquelles les paysans et paysannes obtiendront progressivement du soutien. Mais alors, que s'est-il passé au retour? Comme ça, plus de grève. Est-ce que vous avez reparlé au moment de la nouvelle occupation? Une émotion parcourt le regard de ces femmes, réunies en cercle comme tant d'autres fois. Elles ont déjà raconté l'histoire du campement à de nombreuses auditrices et auditeurs, mais cette fois-ci c'est différent. Quand on raconte la grève, nos discussions, tout ce chemin, on se rend compte de tout ce qui, dans notre organisation actuelle, prend racine dans ces mois-là. Après la grève, 12 familles décident de faire collectif et mettent en place des réflexions toujours en cours et auxquelles hommes comme femmes participent sur le travail domestique, la place des femmes et de l'amour dans la lutte. Les 9 autres familles vivent toujours dans l'assentamento, mais ont préféré avoir des lots individuels et une organisation plus classique de leur quotidien. Lors de ma visite, les femmes font la cuisine seules. Après toutes ces années, il n'y a que quelques hommes, et surtout les jeunes, qui ont grandi ici et qui font la cuisine. Puis, il y a peu de femmes qui font aussi certaines tâches d'hommes, entre guillemets. Sauf que maintenant, les femmes adorent les grands chantiers collectifs. Maria, Roberta, Gisèle, Johanna, Cléa rigolent avec les 6 autres femmes, restées silencieuses mais attentives. Raimunda, qui n'avait rien dit jusque-là, conclut. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisation de tous les aspects de la vie et de la lutte est pensée par tout le monde. Et c'est finalement ça qui est important. C'est surtout pour ça que nous nous sommes battus. Plus de informations autour de la colonisation de l'Amazonie du Sud et au Brésil entre 1970 et 1980. C'est des notes en bas du texte. Dans les années 70, la junte militaire brésilienne perçoit un financement de la Banque mondiale pour le projet Polonorestre, permettant l'ouverture de la route BR-364. Je fais une toute petite aparté parce que un peu partout dans le monde, clairement, les chantiers de routes et de voies de transport sont généralement très, très, très, très liés aux spoliations et aux abus. Bref. Donc, cette ouverture, pour le coup, facilite l'accès à une portion d'Amazonie jusqu'alors habitée notamment par les autochtones, mais aussi par les descendants et descendantes des soldats du caoutchouc, envoyés par le gouvernement brésilien pendant la Seconde Guerre mondiale pour exploiter l'EVA, puis abandonnés sur place. Un processus de colonisation se met en place, faisant fi de la population et des modes de vie locaux. À coup de propagande d'État, les militaires au pouvoir encouragent les paysans et paysannes et les entrepreneurs et entrepreneuses à s'installer au Rondônia grâce à une distribution prétendument équitable des terres, alors que les révoltes paysannes commencent à se structurer, notamment au nord-est du pays. Voir le livre de Robert Lignart, Le sucre et la faim, qui est paru aux éditions Minuit en 1981. Une carte commandée par l'État dans les années 1970 et rendue publique récemment montre que les autorités possèdent des connaissances précises et détaillées sur la fertilité des sols depuis au moins 1979. Lors des distributions dans les années 1980, les meilleures terres sont sciemment réservées aux grands propriétaires du sud du pays qui parfois n'avaient jamais posé les pieds en terre amazonienne. Voir le livre de João Pérez, Corumbiara, Caso Enterrado, page 48-49. Pour prolonger cette lecture en images, voir aussi le portfolio de Marco Santilli dans les pages 124 et jusqu'à 129. et concernant les luttes pour la justice agraire au Brésil. Le mouvement des travailleurs et travailleuses rurales sans terre, le MST, et le mouvement des petits et petites agricultrices, le MPA, sont les deux plus grands mouvements paysans brésiliens présents dans les 5 régions du pays. En plus d'organiser de grandes manifestations nationales, séminaires et salons de permaculture, le MST et le MPA aident les paysans et les paysannes sans terre à organiser des occupations, c'est-à-dire prendre possession de terres cultivables par l'installation de campements illégaux sur de grandes propriétés rurales. Ces mouvements accompagnent ensuite les négociations avec les autorités fédérales et les propriétaires. Une fois que les terres sont régularisées, le campement devient assentamento, c'est-à-dire que les terres sont enregistrées dans les cadastres de l'Institut national de colonisation et de réforme agraire, le INCRA. Ce dernier est l'organe brésilien responsable des négociations avec les militants et militantes paysans et paysannes. Quand l'INCRA tranche en faveur des paysans et paysannes, il procède assez rarement à l'expropriation. Le plus souvent, la résolution de ces conflits fonciers passe par le rachat des propriétés par l'État fédéral, suivi d'une redistribution des terres menée par l'Institut. Dans tous les cas, il faut prouver des intentions spéculatives du propriétaire, que les terres sont improductives et qu'elles ne font pas partie d'un programme de protection environnementale. Ce dernier point a conduit les propriétaires de grandes fermes à déclarer des zones de préservation pour échapper à la réforme agraire. Cette stratégie est dénoncée par les militants et militantes comme une forme de « racisme environnemental » entre guillemets, parce que les politiques de préservation finissent par attaquer les droits fondamentaux des populations pauvres et racisées au profit de propriétaires qui attendent que les terres amazoniennes gagnent de la valeur pour vendre ces zones dites protégées. Aujourd'hui, au Rondônia, une part assez modeste des terres est encore en cours de négociation. José, le militant du MST, l'explique. Depuis les années 2000, les luttes par occupation et négociation pacifique n'obtiennent presque plus aucun hectare. Et l'État ne lâche plus rien, l'arbitrage bénéficie systématiquement aux propriétaires. Les mouvements sont essoufflés et se structurent surtout par d'autres actions, éducation populaire au milieu rural, formation agronomique pour la permaculture, création d'un centre de défense populaire au Rondônia, etc. Selon les témoignages recueillis, le seul mouvement à imposer encore quelques régularisations est la Ligue des paysans et paysannes pauvres, mouvement autonome, souvent accusé d'être une guérilla pratiquant la lutte armée, née d'une scission du MST à la suite du massacre de Corumbiara en 1995. Voilà, c'était la lecture de cet article passionnant de Nathalie Klaus, paru donc dans la revue Jeff Clack qui s'appelle Pied à terre. Et elle est accompagnée de très belles photos de Marcos Santilli. Et voilà, c'est donc à retrouver pour tout ce qui sont notes de bas de page et puis autres lectures de perspective et autres angles de vue sur le site de Jeff Clack, donc www.jeffclack.org. À bientôt!